Vous réclamez. Encore doublé. Comme ces cochons. De grands patrons. Prennent les bifetons. Que donne Fillon. Stop. À la misère. Eh bien, bonjour. Interview extrêmement classique. On est dans la rue. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Oui, moi j'en ai pas mal pour l'éducation en tout cas. Ouais. Je suis maîtresse en CM2 et j'ai l'impression que M. Darcos peut avoir un 20 sur 20 en copie pour avoir réformé formal l'éducation en un trimestre et avoir fait d'une belle école publique une école qui va devenir une école à deux vitesses. L'école primaire et l'école maternelle, on a supprimé le samedi matin ou le mercredi et on se doit de faire 2 heures au service des élèves sur de l'aide individualisée, sachant qu'on doit aider les élèves en difficulté, qu'on n'a aucune formation pour l'aide des élèves les plus en difficulté, donc ce qui pose un problème, et sachant qu'en plus les maîtres qui avaient, eux, la formation pour l'aide aux enfants en difficulté sont supprimés. Enfin, M. Darcos veut les supprimer, c'est la suppression des RASEL. Ouais. Alors donc, nous ne voulons pas une école au rabais. Ça, c'est quoi la direction là, de l'école au rabais ? On ne veut pas qu'ils suppriment les postes du RASED, parce que toutes les écoles vont être touchées et nos enfants ne pourront plus être aidés. Donc on voudrait que tout le monde puisse profiter de l'aide pour nos enfants. Donc RASED, ça veut dire réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté. C'est un dispositif de l'éducation nationale qui est chargé d'aider les enfants qui, pour une raison ou pour une autre, ne s'adaptent pas bien à l'école. Voilà, donc il y a plusieurs types de personnel dans le réseau d'aide, des psychologues, des maîtres qui sont chargés d'apporter une aide rééducative et d'autres qui sont chargés d'apporter une aide pédagogique. D'accord. Donc maintenant, ça fonctionnait plutôt bien, il y avait des difficultés, ou enfin voilà, le concept que vous en faisiez. Alors le concept lui-même nous paraissait très bon, hein, depuis 90. Ça nous semble une vraie réponse aux difficultés des enfants à l'école, puisqu'on est là en lien avec l'enseignant, la famille, l'enfant, et ça permet de remettre à flot des enfants qui se sentent en difficulté pour différentes raisons, puisqu'on peut parler à plusieurs de ces difficultés. Seulement, on souffre de ne pas être assez nombreux. On n'est pas assez présent dans les écoles, un petit peu saupoudré. Donc, c'est facile pour le ministre de supprimer ses personnels qui ne sont pas face à un groupe d'enfants, face à une classe. Les justifications du ministre, c'était quoi pour simplement l'économie? Non, il ne doit pas dire ça. Libérer, hors de feu, libérer. Lui, il dit que en proposant aux enseignants 2 heures de soutien scolaire, d'aide personnalisée, exactement, suite à la suppression du samedi matin, etc. Ça permet d'aider les enfants en difficulté. Donc il n'y a rien de plus dans la réforme, parce que là, les 2 heures sont déjà en place cette année. Voilà, donc non, après, ils pensent que ça suffit et que donc ces personnels-là peuvent être intégrés dans les écoles. Et on voit bien que donc c'est uniquement économique. Hein, voilà, il faut récupérer des postes. C'est des postes faciles à récupérer. Alors, je dirais à Darcos déjà que à l'école maternelle, on ne change pas de couche. Hein, les enfants, ils sont obligés d'être propres. Ils vont supprimer ça et créer des jardins d'éveil qui seront gérés par la commune. Ça veut dire que tout et n'importe qui peut garder nos petits. Voilà. Voilà. Merci. Moi, je trouve que déjà la formation des IUFM était très légère, qu'on arrivait sur le terrain. Par rapport aux écoles normales où la formation se faisait sur 2 ans, en IUFM la formation se faisait plus qu'en 1 an, avec 2 mois de stage en classe. Là maintenant on va arriver à des formations universitaires, donc on peut se demander si avant d'arriver en classe, les gens sauront ce que c'est qu'une classe effectivement. Moi je pense qu'il faut s'arrêter peut-être un peu de donner d'argent aux banques et peut-être revoir les budgets aussi. Ouais. Et surtout celui de l'éducation, parce qu'une école qui fonctionne mal dans un pays, c'est un pays qui fonctionne mal. Donc je suis aide-soignant à l'hôpital et ce que j'ai à dire, c'est que on travaille en sous-effectif de plus en plus. Donc qui c'est qu'en subit les conséquences? C'est le malade. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'en ai assez. Donc j'ai envie de travailler dans les bonnes conditions. Et voilà, Sarkozy est parti sur les réformes et c'est pas comme ça qu'on va faire avancer l'hôpital et puis tout le reste d'ailleurs. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le milieu hospitalier ? Moi, je travaille dans le milieu hospitalier depuis 1995 et j'ai jamais vu une situation aussi désastreuse, quoi. Ouais, donc ça fait déjà, tu as bien vu évoluer le souffle libéral dans l'hôpital ? Tout à fait, oui. Concrètement, en fait, c'est un peu ça ma question, si tu as deux, trois exemples. On est... en ce moment, on travaille des fois avec. On travaille en sous-effectif, c'est-à-dire normalement, on a trois infirmières le matin et trois aides-soignants le matin aussi. Et bien souvent, des fois, on tourne à deux, il nous manque des aides-soignantes. Donc il faut faire le travail quand même. Et donc le travail, on le fait mal, on le fait pas comme il faut. Et le patient est là, quoi. Et puis c'est lui qui en subit les conséquences, encore une fois. Peut-être des remarques à faire sur l'évolution du milieu hospitalier ? Ça va très très mal. Plus ça va, plus on travaille, notre boulot est ni fait ni à faire, et c'est les patients qui en pâtissent, et c'est bien dommage. Alors j'ai entendu un UMPiste qui disait que c'est un problème d'organisation. C'est facile de dire ça, c'est très facile de dire ça. C'est pas un problème d'organisation, non. C'est beaucoup plus haut. On nous supprime des postes et on nous demande de faire avec moins de personnel le boulot qu'on faisait avant. Donc forcément, je vous dis, les patients en pâtissent et ça va vraiment de plus en plus mal, quoi. On n'a même plus envie de bosser. Non, c'est faux, parce que l'organisation, c'est pas ça qui va sauver. De toute façon, d'accord, il y a l'organisation, mais le manque de personnel, il est là et organisé ou pas, de toute façon, on ne fera pas des miracles et c'est pas comme ça qu'on va sauver la situation. Privé, public, 37,5. Non, au fond, pension. En 95, nous n'en voulions pas. En 2003, nous n'en voulions pas. En 2009, il faut pas. Non, au fond, pension. Oui. Ce que tu as envie d'exprimer ? Ma première raison, c'est un ras-le-bol général, quoi. C'est des privilèges pour certains et plus rien pour d'autres. Et personnellement, je défends ma convention 66 du secteur médico-social et qui, comme tu peux le lire sur la pancarte, ouais. Salarié épuisé égale usager en danger. Donc c'est beaucoup plus de travail, des diplômes beaucoup moins qualifiés, un personnel beaucoup moins qualifié pour une prise en charge d'adultes handicapés. D'accord. Alors si tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs ce qu'est la CCN 66. Cette convention 66 gère les établissements sociaux et médico-sociaux. Convention qui sert à protéger les éducateurs. Quand ça a été fait, la convention 66, c'était pour donner un statut aux éducateurs au niveau de leurs droits. D'accord. Et alors c'était une convention assez, qui était très très bien faite, négociée avec donc les syndicats, du point de vue par exemple des anciennetés, qui étaient tous les temps de temps, du point de vue aussi même de la... à l'intérieur des entreprises, de la part des éducateurs dans les discussions, etc. Donc c'était avant tout pour protéger les travailleurs sociaux. Alors aujourd'hui, si tout le monde est dans la rue par rapport à la convention 66, c'est qu'on veut casser justement cette convention avec, par exemple, la remise en cause des points dans l'ancienneté, par exemple. Ce qui veut dire payer à moindre coût les éducateurs, les travailleurs sociaux. Parce qu'à l'heure actuelle, dans le social, on parle de budget maintenant. On parle plus tellement de social par social lui-même, mais on parle plutôt de coûts. Combien coûte dans une institution, le coût de prix de journée, etc. Alors si on peut embaucher des gens au moindre coût, c'est très bien comme ça. C'est pour ça que toute cette convention 66 qui était faite, pour justement bien donner un statut aux travailleurs sociaux, de moins en moins, on est en train de le casser. Ce qui fait que, encore une fois, ça remet en cause et le salaire des éducateurs et aussi les retraites. les syndicats patronaux nous font une réforme, mais plus que dans le mauvais sens, quoi. Donc suppression des emplois, suppression de certains congés trimestriels que l'on a le droit parce qu'on fait des on travaille en internat. Ouais. Suppression des postes, suppression de la qualification. Enfin, c'est oui, c'est une alerte générale. D'accord. Et on entend souvent les gens du gouvernement dire que en fait c'est un problème d'organisation, le milieu médical. Un problème d'organisation ? Non, c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de manque de personnel. Ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin de moyens. Et dans notre secteur, le médico-social, c'est pas un secteur où on peut faire du bénéfice. On peut faire du bénéfice, on supprime les hauts fonctionnaires de l'État. Eh ben, ça a commencé avec le cadeau fiscal. Après, on voit qu'il y a des mesures qui ont été présentées comme en faveur du pouvoir d'achat, qui étaient en fait des cadeaux pour la grande distribution. Et un petit peu tout va dans ce sens-là. Il y a des choses qui passent en force avec le 49-3. Et on a un gouvernement qui méprise ses citoyens ouvertement et qui fait tout pour les 1% de Français les plus riches et rien pour les autres. Même au contraire, en fait, toutes les mesures vont dans ce sens d'appauvrir les gens qui ont déjà pas grand-chose et même les classes moyennes. C'est le système américain, c'est la même chose. Alors, je lis, hein, travailler moins pour gagner moins, l'anti-Sarko. Oui, parce que je pense que les bas salaires, c'est sûr qu'il faut les relever, mais il y a une partie de la population qui gagne suffisamment d'argent et qui n'a pas forcément envie de faire des heures sup, comme nous le demande M. Sarkozy. Un salaire maximal, tu serais pour, toi ? Ah, ben ça, oui, sans aucun doute. Non, parce que c'est évident qu'il y a des chefs d'entreprise ou même des cadres qui gagnent beaucoup trop, ça semble évident. Ouais. Donc, pouvez-vous me lire votre message pour les auditeurs ? Ah, c'est un mot valise. J'ai noté Sarkozy, président de la curée publique, suite à ses interventions en faveur de l'Église et son inénarrable titre de chanoine de Latran, qui lui va comme un gant. Voilà, donc c'est vrai que au niveau de la présidence, il a quand même eu un positionnement assez étrange par rapport, on va dire, normalement à ce qu'on a été habitué, même en Chiraki, etc. quoi. Disons qu'il a surtout un positionnement irrespectueux de sa fonction. Mais ça vaut pour la religion, bien sûr, mais ça vaut aussi pour le chef de parti qu'il n'a jamais cessé d'être. Et ses dernières interventions au congrès de l'UMP sont en totale contradiction avec son statut de président de la République, qui devrait faire de lui le président de tous les Français et qui fait malheureusement de lui un minable chef de parti. Alors, Sarko, casse-toi, pauvre con. C'est une citation présidentielle. Exactement. Il n'y a rien d'infamant là. Absolument pas. Par contre, il y a une personne qui a été poursuivie à Toulouse. Oui, je sais ça. Vous savez ça ? C'est étonnant parce qu'une citation présidentielle, tout le monde devrait pouvoir les faire, les citations présidentielles. Bah oui. Ou alors, il y a vraiment un problème dans cette démocratie. Je comprends pas. Alors, il ne veut pas être cité, le président de la République ? C'est étonnant. Je pensais que ses propos, il les médiatisait beaucoup. Il voulait qu'il soit relayé par les médias de toutes sortes. Donc ça m'étonne que certains de ces propos ne puissent pas être relayés par les citoyens. Une sorte de paradoxe présidentiel peut-être. On peut le dire comme ça. On n'est pas un paradoxe près en ce moment. Merci. Merci. C'est vrai qu'on est un petit peu obligé de parler de ce coup d'état médiatique de Sarkozy. Oh ben c'est un coup d'état, oui. Non seulement il a la presse déjà avec les moyens, ses copains qui ont les finances, ouais. Et en plus maintenant il va avoir la télévision et la radio publique, donc il aura tout, quoi. Ça sera pire que Berlusconi. Ça sera pire ou pareil ? Pire. Pourquoi pire, Fab ? Pire parce que là, par exemple aujourd'hui, j'ai écouté encore la radio, sauf France Inter le matin. Bah, il y avait... Mais ailleurs, on parle de tous les journalistes parlent de jeudi noir. Ouais, alors c'est pas... alors c'est grave, alors c'est pour ça que j'ai ressorti ici quelque chose, un lundi noir, parce que le lundi noir, ils ont annoncé 70 000 emplois supprimés. Ouais. Et le jeudi, c'est un jeudi très coloré, il y a toutes les couleurs. Donc les journalistes déjà s'autocensurent comme ça, dans leur tête, tout simplement. Ah, il y en a qui photographient, voilà. Donc c'est ça qui est grave. Ouais, on entend beaucoup, moi, dans ce qui m'énerve dans les expressions, c'est la grogne. Hein, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des animaux ici? Enfin, vous avez... Non, oui, la grogne, oui. Oui, donc c'est le jeudi noir, la grogne, pas du tout. Donc les gens sont manifestes, ils défendent la liberté. Il y a toutes les lois qui remettent en cause la liberté et la République. C'est pour ça qu'on parle, il y a un philosophe dont je ne me souviens plus le nom, qui parle en France, c'est plus une démocratie, c'est une démocrature. D'accord, voilà. C'est intéressant, ouais. Et ouais, donc ça demande... voilà, donc il y a plein de choses à dire. Il y a des méthodes d'intimidation de la part de la police, de la justice. Ouais. On criminalise toute la contestation. Hein. On cherche à intimider les lycéens, par exemple. Oui, il y a eu la descente dans ce collège. La descente, oui, c'est des mesures d'intimidation qui créent une espèce de psychose de peur, quoi. Les gens, après, se renferment sur eux, quoi. C'est ça qui est grave. Ouais. Et donc, du coup, les gens descendent plus dans la rue, à part s'il y a un appel comme ça. Ce que j'ai écrit, contre les droits, le pire, c'est le silence, parce que les gens, après, ont peur. Ouais. Donc, chacun s'enferme. Donc, je parlais de l'information en danger, c'est sûr. Hein. Il y a tout un tas de... Et puis avec la justice, avec ce qu'ils veulent, la suppression par exemple du juge d'instruction, là. Ouais. Il faut savoir que ça avait été créé par Napoléon Ier, qui n'était pas un grand démocrate quand même. Et c'est chaque fois qu'on a cherché à vouloir mettre la justice sous dépendance, c'était sous Napoléon III, et après ça a été sous Pétain, et il n'y a qu'à faire la suite, quoi. C'est ça qui est grave, hein. Quand on voit toutes ces lois qui sont mises en place actuellement, quoi. Hein. Ce sont toutes des lois liberticides. Ouais. Voilà. D'accord. Mais merci beaucoup. De rien. Au revoir. Alors, monsieur, le capitalisme, c'est la crise permanente? Bah oui. Le système est fait pour exploser et imploser en permanence. Non? Et... comment sortir? Faut-il sortir du capitalisme? Sortir en proposant un modèle, un modèle de société qui soit compréhensible par tous. Parce que le capitalisme est d'un fonctionnement opaque au commun des mortels. Notamment sur l'aspect financier, quoi. Bah oui, exactement, oui, c'est... Ce ne sont que des. Ce n'est qu'un jargon de spécialistes qui a choisi de créer un système pour jouer avec l'argent. Sortant du capitalisme, oui, c'est vrai, ouais. Après, moi, ce qui me dégoûte un petit peu, c'est quand je vois l'argent qui a été mis dans les banques, qui a été utilisé, c'est encore le citoyen qui va payer. Je trouve ça pas normal, quoi. L'argent, on aurait dû l'utiliser justement dans les entreprises, pour sauver les entreprises, pour sauver l'hôpital, pour sauver tout ça, quoi. Alors sur ma pancarte, moi derrière, j'ai mis pour sortir des crises, sortons du capitalisme. T'en penses quoi? J'en pense que oui. Après, il faut pas attendre de Sarkozy qu'il ait une impulsion dans ce sens. Bon, il a fait un beau discours en disant qu'il fallait moraliser le capitalisme. Après, il ne faut pas être naïf, on ne croit pas à ces discours de Sarkozy, que justement il a été mis en place par des gens comme Bouygues ou Lagardère qui contrôlent TF1 ou des médias comme Le Figaro, etc., Dassault et tout. Donc il ne faut rien attendre de ces gens-là, il faut arrêter d'être naïf, quoi. Le capitalisme est un peu trop prégnant aujourd'hui, hein. C'est vrai que... Il faut revenir à des valeurs où le travail soit quand même quelque chose de plus important que l'argent qui guide tous les choix qui sont faits aujourd'hui. Refus des licenciements, refus des suppressions de postes privées, publiques, sans emploi, refus des licenciements. Est-ce que vous pouvez grogner? Non, parce que j'ai eu cette conversation avec le monsieur, là, une affiche très sympa. Ouais. Et ça m'a fait penser qu'en effet, par rapport aux médias, souvent on dit la grogne. Ouais. La grogne. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je vais finir ma série d'interviews en demandant aux gens de grogner. C'est quoi au fait? Parce que interview pour. C'est pour qui? C'est pour Radio Campus. Radio Campus. Une émission qui s'appelle La Panthère Rouge, c'est le jeudi à 18h. D'accord. Une semaine sur deux. Ouais, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme cri? Je ne sais pas. Comme vous le sentez, la grogne. La grogne, je sais pas. Non, la colère sur tout ce qui se passe, mais bon après. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de dons de bruitage ou. Non, mais... c'était plus pour ce côté la grogne. Ça vous choque aussi qu'on parle toujours des gens qui manifestent comme des animaux. Parce que la grogne, c'est quand même c'est connoté un petit peu. Ouais. Je pense qu'on essaie de nous faire passer pour des moutons, mais les moutons, c'est ceux qui restent bien dans le rang en ce moment, parce qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre de tout ce qu'on écoute, de toutes ces suppressions d'emplois. Alors bon, moi, c'est comme ça que j'exprime ma grogne. Je peux pas faire d'autres bruitages que... Voilà. En tout cas, merci pour le lien, parce que c'est peut-être une piste. Hein. Le piste, c'est le mouton. On nous prend pour des moutons, donc voilà. C'est pour ça qu'on grogne. Donc, je peux le faire. Donc je progresse dans mon enquête, là, je sens. Peuple en colère, il y en a marre de la galère. Peuple endormi, la grogne. Vous avez entendu ça dans les médias? On parle de grogne. Ouais. Quand les gens, ils manifestent, ils s'expriment, on parle de grogne. Je parle là du discours des médias dominants. D'accord. Et quels sont les médias dominants, alors? Ouais. La grogne. Bah, c'est TF1, c'est Libération, c'est Le Monde, ouais. Tout ça, quoi. Et ils parlent de grogne, hein. Ouais, non, c'est... T'as jamais remarqué? Ouais, peut-être, ouais. Parce que moi, j'avais cette conversation avec quelqu'un qui a la pancarte, là, au-dessus, justement, un petit peu sur l'analyse médiatique autour des révoltes. Et c'est ça qui m'a fait penser à ce truc que je remarque souvent qui m'agace dans les médias, la grogne. C'est la différence entre ce que pensent les médias grogne, qui est plutôt minimiser l'action des gens qui sont dans la rue, et ce que pensent vraiment apporter les gens dans la rue. Enfin, je sais pas, c'est tout un débat à avoir, quoi, mais... C'est la rhétorique. Ouais, c'est une histoire de rhétorique, après, effectivement. Ouais. Okay. Choix des mots, l'impact des images, c'est ça, non, il paraît. Je ne sais pas, à voir, à creuser. Bon, salut. De l'argent pour nos salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour nos salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour nos salaires, pas pour les actionnaires.